À l'occasion du 52e anniversaire de l'intégration du dirigeant Kim Jong-il au comité central du Parti du Travail de Corée, la délégation du Parti démocratique Khmer du Cambodge, conduite par son président Ho Meng-hien, a fait une visite le 31 mai à l'ambassade coréenne dans son pays. Au nom de leur parti, les membres de la délégation ont déposé une corbeille de fleurs devant les portraits en sourire des grands leaders Kim Il-sung et Kim Jong-il et formulé leur hommage.